soir d'automne, monotone à mon goût. J'ai goûté la vie comme si c'était mon dernier soir. Ce dernier soir est rare, aussi rare que la prunelle de ses yeux. Les yeux bleus, les yeux dans les yeux, les yeux dans les bleus. Ce ciel bleu, cette couleur azur, c'est sûr que la clarté du ciel est celle d'un vœu dû à notre cil. Je signe cette page pour laisser mes empreintes à vie. J'emprunte ce passage de ma route pour arriver à l'Elysée, la lisée de mon cœur, la rosée du soir. La lignée de ma vie pour arriver un soir chez moi, près de l'Elysée de mon cœur. C'est elle que j'ai élue au premier tour, sans faire deuxième tirage. Tu veux savoir ce que je pense? Un soir, en attendant ma femme, mon âme se déplace comme le soleil se couchait, pour espérer la voir revenir. Cette deuxième chance a tourné comme la page de mon cahier qui se tourne comme une vie consumée. Je consomme de plus c'est l'état qui nous consomme. À petit feu, à plein feu d'éclat. Ce coup d'état nous a mis dans nos états. Sans cet état d'âme, j'ai l'âme dans le corps. Sans foi ni loi, c'est pas toi qui feras la loi d'un soir. Ce soir, comme chaque soir, je me dis que tôt ou tard, je finirai dans l'au-delà. Je rejoindrai mes proches déjà partis là-bas. Demain sera peut-être moi, peut-être toi, la vie est loin d'être ce que l'on croit. Trop de peine et de haine, de flemme et d'engrais. Je me consume autant que je fume, le monde tourne autour de la thune, sans cesse des rancunes. Ça marche au marteau et à l'enclume, ça passe ou ça casse. Chaque jour essayer de faire face à cette planète pleine de crasse, à ces guerres entre les races, à cette vie qui trace, à toutes ces menaces qui nous glacent. Et comme chaque soir, c'est temps où chaque soir on peut se poser, rentrer du taf, casser les plaisirs de terminer cette dure journée. Je profite le plus possible tout en sachant qu'à l'aube je devrais y retourner. Alors je me mets d'équerre, laisse les problèmes derrière et je rêve, rêve de ces belles choses que le monde aurait pu nous offrir. C'est vrai que ça pourrait être pire, mais je rêve toujours de liberté, de me caser, d'une belle maison, d'une femme et de gamins. Enfin, toutes ces choses de la vie qui font qu'on l'aime bien. Tous les soirs, je suis bon casonné à partir du moment qu'il y a de la canne à fumer, m'enfumer. Jusqu'à la sonnerie du réveil qui me dit que c'est l'heure de taffer, finir de rêver, retour à la réalité, marre de trimer à cause de ce con d'état qui nous fait rien pour nous sortir de là. Je rêve de jackpot et de liasse, hélas, mon rêve s'efface. Ses rêves et ses idées. Car ces deux choses-là, personne ne peut te les prendre. Défends toujours tes rêves et tes idées.